La personne qui a présenté le texte aux Français en septembre 1958 n'est pas du tout général. Il est colonel. C'était un excellent militaire, mais il s'est passé quelque chose qui fait que le général de Gaulle, en réalité, était le colonel de Gaulle, et nous en avons la preuve, puisqu'il a perçu sa retraite de colonel jusqu'à la fin de sa vie. Donc pourquoi l'appeler général? Je n'en vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt qu'il y a de porter des étoiles. Quelle est la grandeur de l'homme par rapport à Saint-Gallon? Honnêtement, je ne comprends pas. Moi qui suis ancien officier marié de la Marine nationale, je sais qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des galons ou des étoiles pour exister. Ce n'est pas une question de personnalité. Les gens qui se cachent derrière ces galons ou ces étoiles pour affermir leur personnalité, ça laisse supposer une chose, c'est que quand ils sont tenus, ils ne sont plus rien. Afrique Média, le monde, c'est nous.